car. Boum, tchit, tchit, boum. Ah, j'arrive pas à le faire, c'est toi le beatbox. Ah, c'est un vrai beatbox lourd. Non, mais en fait, j'imaginais que t'allais faire un truc sur le son qu'on entend un peu, tu vois. Mais Attends, moi je le mets plus fort. Boum, boum, tcham, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ambiance lounge. Ambiance crazy. La première chicha avec de l'alcool. Yeah. Tenue par deux tenanciers américains. Wow. Martin. Pierrot. Revivez le meilleur des années 80. New Yorkais. Los Angelesois. Detroit. House music. Sporty. Carl Cox. Bon et troqué numéro 34. Yeah! Woo! Welcome to the crew! Nouveau concept! Voilà! Épisode 34, ça démarre en musique! En mumu, en quoi? En musizique! Pop, ASMR! Champagne! Allez, bonne année! Peut-être que vous l'écouterez à la nouvelle année, du coup, ça marche. Bonne année. Et regarde les canettes libanaises, ça s'ouvre pas. Il est caché les cassettes. Ah, ouais. Ah non, faut tirer! Ah, c'est un autre système! Ah ok, stylé. Voilà, bah on va voilà. Tout ça, on va vous expliquer comme d'habitude le contexte où on est, qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe, qué passo. Qu'est-ce qu'on boit. Hol de passo. Donc là, ce qu'on boit déjà, c'est... Waouh, fallait mélanger je crois. Bah ouais. Ah c'est épais, ah ouais t'as raison, il y a des morceaux. Ouais il y a des morceaux. Oh là là. Ce qu'on dirait... boit... Vas-y, on dirait de la compote en fait. J'ai mangé chez le Libanais, puis il y avait une drôle de boisson sucrée, que j'ai pas bu sur place. Et Rani Float. Ça a l'air, ouais voilà. Rani Float, c'est une boisson à la mangue et il y a écrit With real fruit chunks. Chunks ? C'est des morceaux que tu peux croquer quoi. Tu peux me chunk, chunk, chunk, chunk, chunks. Ah ouais ? Je connaissais pas le mot chunks. Je crois que c'est ça. Hein. Bah sûrement. Mango fruit chunk. Drink. Chunks. Voilà, et du coup, c'est une capsule qui s'ouvre à l'envers. À l'envers. En fait, les canettes de coca, vous tirez vers vous. Et là, en fait, il faut tirer vers. Pas vous. T'as l'autre. Raison, il fallait mélanger. Mais non, mais du coup, c'est pour ça que j'ai mis dans les deux verres en même temps. Ça a l'air bon. Ça a l'air épais en fait. Non, c'est trop sucré. En vrai, si, c'est trop bon. C'est vrai ? Bah ouais. Ah, t'as vraiment l'impression de manger une mangue quoi. Incroyable. Exceptionnel. Bah, voilà. Donc, le sponsor du jour, Rani Float. J'ai lu No preservatives, same delicious taste. Je sais pas ce que ça veut dire. Il a écrit ça ? Ouais. Mais c'est pas préservatif, tu vois. Calm down en anglais. Ah, il y a pas de conservateur. Ouais, voilà. Mais du coup, ça fait préservatif. Voilà. Je me suis dit... Si tu veux traduire préservatif en anglais, dis pas ça parce que ça marche pas. Aussi bien qu'un préservatif, ça veut dire. C'est contraceptif. Quoi. Bon, bah, on va être stérile avec cette boisson. Mais voilà. À bon goût. À bon goût, ouais. Bienvenue dans cet épisode 34. Est-ce que tu peux nous dire, Pierrot, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est là ? Exactement. Parce que là, on devait démarrer il y a déjà une demi-heure. J'exagère toujours un peu plus, on sait. Mais on n'est pas là où on croyait. Eh bien, on est, on fait un banc étroqué chez vous. Ouais. Et on est clairement chez moi. Voilà, le concept continue. J'irai banc étroqué chez vous, chez toi. Parce que, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est le 26 décembre. On vous avait dit dans l'épisode précédent qu'on va essayer d'être là, d'en faire un très rapidement avant le dernier, avant le 33, après le 33. Eh bien, on tient parole. Sauf que là, bah, c'est fini les fêtes, 26 décembre, tout le monde va boire un coup, on est vendredi, là, les bars sont blindés. Ouais, on a démarré un peu tard, ouais. On était à l'apéro, on a fait deux bars bien, bien remplis, quoi. Très, très blindés, vers Boisem, on a essayé, si vous voulez tout savoir. Ouais, on peut même dire le Sarrazin, qui est très grand, du coup, on avait un espace normalement facile. En fait, c'était blindé de ouf, quoi. Mais il y avait surtout, là où il y avait des places libres, c'était sur leur scène, sur l'estrade. Ouais, mais un jour, on fera sûrement une scène, hein. Tu vois, comme... Genre, là, on fera une rivière, quoi. La Seine. Ah, oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Il y a la Seine-sur-Mer aussi. Tu sais, quand tu fais des gros pipis, tu fais « Attention à la rivière !» Oh, putain. Non, c'est pas ça que j'allais dire, en plus. C'est comme « À bientôt de te revoir », tu vois, aller sur scène, tu vois, par exemple. Un podcast qui est sur scène. Ah, ouais. Ouais, bon, ça... Ou la dernière ? Bon, on verra. Tu vas baisser un peu la housse. T'as coupé la housse. J'ai coupé la housse ? Non, je crois que ça s'est fini brutalement comme ça. Ok. Comme un podcast qui se termine. Allez, c'est parti. On est vendredi. Donc, on est chez moi. On est vendredi. Il est 19h30. Il fait noir. Il fait moins 2. Il fait moins 2. C'est les vacances. C'est mon premier déplacement sans vélo pour un banc étroqué. Oh, pauvre chou. Moi aussi. Ouais. Trop près de chez moi, quoi. Trop près de chez toi. Tu veux que je démarre ? Vas-y, c'était chaud. Moi, attends, sinon j'ai un sujet. J'ai un sujet d'actualité. Sujet d'actualité de ouf. L'actualité n'attend pas. Comme t'es le sosie officiel d'Emeric Lompré. Ouais. C'est troublant, même la voix. Même. Mais t'es plus beau que lui. Ah, c'est gentil. Après, c'est pas dur. Je rigole. Non, mais il peut être sympathique, mais. Bah oui, il était à Lille il y a pas longtemps, non. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Sauf ouais. Moi, je suis pas sorti. C'est bon. Il y a des morceaux, hein. Mais c'est bien. Ouais, c'est bon, hein. On va déguster tout le long, hein, ça va durer 45 minutes. C'est une demi-canette de 25 centilitres, hein, mais ça va être très très long. Peut-être qu'on boira de l'eau à un moment. Ouais, c'est épais, ouais. Tu peux. C'est un sirop, en fait. Mon sujet du moment, en plus j'ai des sujets, je les relis, je fais wow, c'est quoi ces sujets? Mais c'est ça que j'aime bien, moi, c'est qu'on n'écrit pas bien, en fait. Mais non, mais c'est surtout qu'ils sont sombres. Ah, ok, waouh, Bresson. Bresson. On dit plus sombre, on dit Bresson. Ouais. Bresson. Damso. Le sujet, c'est le championnat du monde de fléchettes. Bah, ça, c'est plutôt cool. Là. C'est d'actualité, c'est en ce moment. Mais ouais, j'ai pas vu. Il y a Renaud qui a fait un truc de ouf. Apparemment, il a célébré, je sais pas quoi, mais j'ai pas été au bout de la vidéo. Ok, bon, moi, je t'explique pourquoi ça m'interpelle. En tant que. J'ai rien vu du championnat du monde. J'ai pas vu. Mais tu connais le champion. Tout le monde le connaît, le champion. C'est un jeune. Ouais, qui s'entraîne pas. Mais il dit ça toujours. Je sais pas. Ah ouais ? Ouais, ouais. Il fait genre un peu le branleur, quoi. Il est trop fort. En tout cas, le jeu, c'est 501. Ouais. C'est 501. Faut faire 501 points. C'est-à-dire, faut finir à zéro. Ils font tous des triples 20 pour aller vite. Et à la fin, tu finis par une bulle, une double bulle ou un double. Voilà. Si t'as réussi tout ce que je voulais faire. Parce que tu sais, s'il rate un triple à un moment, un triple, il va devoir faire autre chose pour. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il finit par un double quelque chose. Non, mais est-ce que tu dois faire le chiffre pile pour finir ? Tu dois finir par un double. Ah, ok. Un double pile. Double pile, ça doit être à zéro, effectivement. Et bon, voilà, c'est pour les règles. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est dans un ancien bâtiment victorien assez vieux en banlieue de Londres où s'est fait les championnats du monde. Ah, bah, ça, c'est la culture est anglaise, hein, je pense. Ça fait un énorme banquet un peu. Ils sont tous déguisés dans la salle. C'est sur plusieurs semaines, hein, je crois que c'est sur 2-3 semaines. Sauf qu'ils jouent pas le 25-26 décembre. Aujourd'hui, ils jouent pas. Demain, ils rejouent. Et le 24. Ok. Et en gros, il y a des tours, ils s'affrontent plusieurs fois. Ouais. Bref, et surtout, ce qui m'a marqué, et ça se trouve plein de gens l'ont vu, c'est qu'ils ont une entrée, tu vois. Le walk on ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça en bout d'un. Comme les boxeurs. Exactement, ils rentrent sur une musique. Et c'est un peu le truc, la marque de fabrique, la signature de rentrer sur cette musique. Déjà, en fait, ce qui est marrant, c'est que les joueurs de fléchettes, ils n'ont pas une dégaine de sportifs traditionnels. Ah ouais, non. Ils ont une belle chemise, plein de couleurs, puis ils ont un bon bidou, quoi. Puis, ouais. Puis parfois, ils ont plus de 50 ans. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est marrant, ils rentrent avec leur musique et ça devient un peu limite des rockstars, tu vois. Ils sont comme ça. Il y en a un des plus connus rentre sur une chanson de David Guetta. C'est de la soupe. Mais sauf la façon dont il interprète, où ça il tue. Met juste ses deux mains derrière les oreilles et fait du bruit juste comme ça. Son côté, le flegme qu'il a. Ça marche. Exactement. Trop bien. Et en fait, tu as envie de regarder, tu vois. Je me suis dit que dans le sport, ce que j'adore, c'est les à côté. Tu vois, c'est toute l'ambiance, toutes les conneries. Genre au foot, parfois, ce qui m'intéresse plus, c'est à la fin du match, c'est les mecs qui se saluent, qui se font un check, qui se parlent, tu vois, des conneries comme ça, quoi. Ou dans les vestiaires, là, t'as mis pas mal. Tu m'as envoyé une vidéo, là, avant qu'ils rentrent Juve Naples à l'époque, tu vois. Ah, dans tu les couloirs. Vois, ça se check et dans tout. Dans le couloir, ouais. On dirait qu'avant, ils étaient tous potes, tu vois. C'est un petit milieu, quoi. Ouais. T'as l'impression que tout le monde est. Alors que c'est des adversaires, mais tu vois Zizou, il check l'autre, enfin, tout le monde se connaît, tout le monde est fan de l'autre. C'est ouais, mais je crois que c'est les behind the scene. Ouais. C'est bien ça. Alors quoi. Qu'aujourd'hui, tu vois, c'est moins. J'ai l'impression, après, voilà, c'est une remarque un peu. Non mais même pour les boxeurs, j'adore l'entrée, tu vois. Ouais, c'est magnifique. L'entrée du boxeur, ouais. L'entrée de MMA et aussi. Et le son, tu dis, ben moi si je suis sportif, tu vois, je me suis déjà imaginé, ouais, je rentrerais sur ce son-là, tu vois. Mais voilà, ouais, c'est un truc d'enfant, tu sais, de se dire, ouais, c'est les dernières secondes, il va tirer, on est là, la musique, des confettis. Ouais, en basket aussi, c'est très spectacle aussi. Hein. Ouais, voilà, bah il y a un truc, un drama, quoi. Ouais. T'as le temps où... Mais beaucoup de sports américains aussi, tu vois, le basket, ça marche, mais aussi le baseball. Clairement. Baseball, non ? Quand il y a des home runs et tout, ils en font des caisses, non ? Des trucs comme ça, non ? Genre, ça arrête le jeu, ça sonne de partout, il y a un groupe qui joue, enfin, c'est un bordel, non ? Un home run ? Ah, je sais pas, mais il y a toujours le truc, si, le home run, c'est quand la balle, elle sort hors du terrain. Ouais. C'est les gens qui rattrapent la balle. Ouais. Et après, t'as toujours le petit truc sur c'est un mec de 50 ans ou un jeune costaud qui rattrape la balle et il la donne à un enfant. Ouais. Alors, bah... Mais tu l'as vu, le petit jeune là qui, genre, il chope la balle, il y a une autre balle, il donne l'autre balle à une meuf. T'as déjà vu, non? Ouais, ouais, voilà, c'est du classique, quoi. Petit Richard. Hein. Ouais. Ah oui, oui, j'ai compris. Tu vois quoi? Ok, ouais. Il y a une balle dans sa main, il reçoit la vraie balle et il fait genre à la meuf, tiens, je te donne la balle que je viens de recevoir pour toi. Ouais. Et en fait, tu vois très bien, il y a, dans son regard, il est en mode je l'ai arnaqué, quoi. C'est la pauvre balle qu'il avait ramenée, quoi. Mais je pense, moi, tout ça, c'est peut-être l'effet aussi réseaux sociaux, les à côté, bah, quand il n'y a pas de match, bah, tu mets toutes ces images à la con, à droite, à gauche, pour alimenter. Pop. On vous ment pas, c'était une cadette. Et donc voilà, et championnat du monde de fléchettes. Et donc, là, j'ai envie de suivre, tu vois. Ouais, genre, je pense que c'est cool. Hein. Le mec avec la musique de David Guetta, là. Ouais, c'est ton favori. Demain, il fait son troisième tour. Ok. Le favori, c'est le... Ouais, oui, mais j'ai envie de le voir. Ouais, j'ai envie de voir lui rentrer. C'est que des Anglais ou c'est international? C'est international. Il y a un Japonais. Ok. Français, on a un peu. Il y en a un Français. Et je crois que le Français, il a dit qu'il est rentré sur Ibrahim Malouf ou une chanson comme ça, tu vois. Ouais, c'est, sauf controversé, que ça, c'est controversé. Ça, mais c'est un peu floppé, surtout. Tu vois, les gens, ils connaissent pas. Tu vois, c'était... Ouais. Oui, parce que l'idée, c'est quand même de ton entrée à la marque. Mais oui, mais pas ton petit son à toi, quoi. Mais oui, un son qui porte tout le monde. Moi, je rentrerais Kid Cudi, tu vois, la chanson que je t'ai dit, Wonderland, tu vois. Qui fait bouger, que les gens connaissent. Bah ouais, c'est sûr. Mais je t'ai dit, c'est un ultra pop, tu vois. C'est hyper. Tu vois, tout le monde va répéter, tu vois. Parce que là, tout le monde chante, quoi. Ouais, bah là, c'est une chanson. Tu l'écouteras, c'est Wonderland. Mais par exemple, c'est Seven Nation Army, tu vois. Ah oui. Tu sais... Oui, bah toi, tu rentrerais avec la chanson de Gloria Summer, non 98, toi. Zizou, toi. Ah, Will Survive. Ouais, toi, tu mettrais ça, toi. Je sais pas. Si. T'as pas le choix, en fait. Ah ouais, ok, coach. Voilà. Et moi, je mettrais quoi? Kid Cudi. Ouais, Wonderland. You and I never die. Bon, après, c'est un peu sombre, hein, mais bon, t'aimes bien les trucs sombres. C'est pas si sombre, ce sujet, hein, sur la fléchette. Non, non, bah non, c'était pas ça, le sujet sombre. Ça, c'est le sujet ambiance festive, les vacances. Ouais, non, mais tu me donnes envie de... Et c'est quoi, c'est sur l'équipe? C'est sur l'équipe, ouais. L'équipe, de toute façon, ils ont tous les sports un peu qu'on s'en fout. La pétanque. Ils ont tous des sports comme ça. Le caisse à savon, course de caisse à savon. Ouais, ils avaient ça. Quand j'étais petit, moi, je me rappelle, j'étais dans un endroit où il y avait Eurosport. Et Eurosport, tard le soir, ils diffusaient le sumo. Ah, ça, c'est stylé. Hein. Et ouais, après, c'est long, non? C'est un peu long. C'est, bah, pareil, c'est cérémonial. Y a une cérémonie, quoi. Ouais. Mais c'est un peu fascinant à regarder. J'avoue. Alors, et là, y a des fois, il y a des Occidentaux qui se sont mis au sumo, non? Il n'y a pas eu des histoires comme ça, un peu? C'est beaucoup de... Japonais. Le gros débat... Non, ouais, il y a beaucoup de Japonais, mais de champions japonais, il n'y en a plus depuis très longtemps. Mais non. C'est des Mongoliens. Ok. Qui sont assez forts. Stylé. Et donc, il y a... Mais je crois que souvent, il y a aussi des Biélorusses, des trucs comme ça, un peu, non? Ça, c'est pas un peu... Ouais, c'est possible que t'aies un peu plus, ouais. Oui, oui, c'est... Des Kazakhs. Ils sont forts, hein. Forts comme un Kazakh, on dit. Non, on dit fort comme un Turc. Mais j'ai rencontré un Kazakh au Kyrgyzstan. Costaud. Non, mais c'est pas un humain. C'est un robot, le type. Je te jure, il faisait peur. Bonjour, matin. Ouais, il faisait flipper. On était là, il s'est assis à la table. On était en mode, waouh, il a l'air fainéant, le gars. Et il nous a raconté sa vie. Il était trop cool. Je sais pas, il travaillait dans le pétrole ou je sais pas quoi. Et il montrait des photos avec des dauphins. Mais il s'est adouci. Mais au début, on l'a vu arriver. On s'est dit, oh, le gars, faut pas le brancher, quoi. Ça se trouve, c'est juste. C'était comme une machine de guerre. Il devait faire 120 kilos de muscles. Sa tête, peut-être. Tout, ouais, non, mais ouais, c'est, je sais pas, c'est un mec fort, tu vois, fort. Genre, il est né fort, quoi. Il sourit pas? Bah, après, si, mais au début, non. Il a le visage fermé. Ouais. Et il dit, je peux m'asseoir? Toi, tu fais, bah, je vais pas dire non. Oui, oui, oui, je dis oui. Toi, tu dis oui tout de suite. S'il me disait, je peux prendre ton assiette, j'aurais dit oui aussi, tu vois. Tu peux manger, ça? Ouais. Peut-être croquer deux, trois trucs avant. Lui. Bah, ouais, j'avais faim, c'est vrai. Presque fini, mais. C'est vrai que j'avais faim. Moi, c'est pas dire qu'ils font peur. Enfin, pas tous. Mais lui, il était pas mal, quoi. Ça se trouve, il en souffre. Il avait pas l'air du tout de souffrir. Ah oui, c'est Dieu. Oh là là. Il avait l'air sûr de lui. Il avait dit, ouais. D'amis. Il avait dit, ouais, ma femme et ma fille, elles sont dans les tentes en bas. Moi, je vais monter tout seul là-haut et je redescends. Ok. Bah, vas-y. En anglais? Yes. Tout le monde parle anglais. J'ai parlé un peu espagnol. Il y avait pas mal d'espagnols aussi là-haut. T'es Amérique latine, quoi, quand tu dis ça. Non, il y avait Fernando Pays Basque, je crois, et l'autre, comment il s'appelait? Fernando, et on les suit en plus sur Insta, c'est des gros sportifs de fou, avec Martin, mais je m'en rappelle plus. Il y avait un Basque et un... Ah là là, quoi. Bon, bref, ils étaient espagnols, quoi. Ah oui, ok. Ils n'étaient pas sud-américains. chercher la région d'où il venait. Pyrénées, quoi. Ok. C'est intéressant. Non, je t'écoute. Pourquoi pas ? Moi, je raconte ma vie. C'est un peu le but du podcast. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, j'avais un truc comme ça à dire. Mais après, je sais pas si tu voulais. Tu sais, j'aime bien créer des rubriques. J'avais la rubrique mode qui marche plus trop. Vas-y, fais-la. J'avais fait une... Tu veux parler de tes habits aujourd'hui ? Ouais, vas-y. J'ai un pull. Il aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça. Je m'en fous. Mais en plus, c'est bien, regarde. C'est un pull thon et maillot. C'est une créatrice. Thon et maillot. Bah, c'est la marque. C'est là la marque. Je regarde tout sur la manche. Thon maillot. C'est une créatrice à Roubaix, au Grand Bassin. Elle fait des petits. Comment ça s'appelle ça ? C'est une noix ? Ouais, mais elle fait des écussons elle-même, tu vois. Ouais. Et soit tu achètes les écussons que tu vas thermocoller toi-même ou coudre, soit elle les met sur des habits qu'elle achète en fripe. Ça, donc c'est là, pour... j'ai un sweat bleu avec une noix blanche. C'est pour dénoncer un peu les chevignons, ça ? C'est le foie gras plutôt. Ah, c'est pour dénoncer le foie gras, tu crois ? Non, foie gras, ouais. C'est vrai ? Mais t'as raison, chevignon, c'est les canards, ouais. C'était un gros canard, ouais. Ouais. Gros canard. Ouais. Bah quoi ? C'est une noix. Ouais, c'est une noix, ouais. Ouais, c'est... je suis une grosse oie. C'est bizarre à dire une grosse oie. Les gens, ils sont un peu moqués de toi, de ton pull. Oui, mais c'est bon. On sait qui c'est les moqueurs, hein. C'est ceux qui n'ont pas de style, en fait. Ça me dérange pas. Moi, ouais, plus les gens ils parlent de mon style, c'est des gens qui n'ont pas de style. Good guys, bad buzz. Ouais. Je prends là, tous les buzz. Une asso avant, tous ils sont habillés. Genre les pires trucs, des trucs lambda, moches, quoi. Et dès que tu vois, tu mets un peu de couleur, un peu de trucs un peu différents, ils sont là, ah ouais, mais non. Tu sais, j'avais un survêt de vert. Bah tu vois, bam, ils ont fait, ah, oh, c'est LM. Décathlon. Mais quelle autre blague, ouais, Décathlon. On dit pas les marques, normalement. Enfin, que les sponsors, et aujourd'hui, c'était que la canette. Même. Ah si, on a fait ton maillot. Ah ouais, c'est... ouais, mais ton maillot, c'est une petite... c'est du soutien, c'est du soutien. Production, petite production. Envoie des trucs. On voit quoi ? Bah qu'elle envoie des échantillons. Ah oui, on veut bien recevoir. Ouais. Comme ça, on fera des unboxings. Et elle fait genre des casquettes. T'aimes bien les casquettes, toi ? Ouais, mais j'en ai perdu une. T'as pas vu celle d'avant, là ? Tu sais, qui était bien. Je l'ai perdue. Bah laquelle ? Ça me parle en pas. En polaire. Que tu m'ailles, elle est bien, Martin. Ah non, en polaire, moi, la trois couleurs. 5 points. Tu l'as pas ? Bah non. Regarde, tu peux aller voir ? J'y vais. Merci. Bon, en attendant que Pierrot cherche ma casquette. Non, vas-y, reviens. Je l'ai peut-être pas perdu, je ne sais pas chercher. Ouais, moi je pense que j'ai cherché un peu. Pas beaucoup. Ok. Mais sinon, moi je voulais. Donc, nouvelle rubrique. Parce que la mode, j'ai fait. Tu veux faire ta rubrique, mode ? Non, vas-y, fais ta nouvelle rubrique. Eh ben, la nouvelle rubrique, c'est. Qué paso ? Non, j'ai. Qué paso ? Non, c'est. Raconte un truc cool qui s'est passé dans ta journée. Raconte un truc cool qui s'est passé dans ma journée. Un truc cool. Tu dis, ah tiens, ça c'était cool. Mais ça peut être. Il y a toujours un truc cool dans une journée. Même une journée morose, même une journée noire, il y a toujours un truc. Ça peut être genre, ah putain, mais j'ai fait mes lacets tout seul. Ah, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Mais ouais, mais je sais pas, il faisait beau, j'en sais rien moi. T'as ouvert ta fenêtre, t'as aéré. Je sais pas, faut que tu trouves. Mais après, tu peux répondre après. Tu peux chercher et tu me dis tout à l'heure ta réponse. Je suis allé courir, il faisait très froid. Ouais. Et je trouvais que c'était agréable. Ouais, ben voilà. Voilà, c'était parce qu'il y avait. C'est vrai que le temps est cool. Il fait certes très très froid, mais il y a du soleil. Très sec. Ouais, mais ça, moi, j'aime bien. Ça fait vraiment le froid qui t'endort un peu, quoi, qui te sonne. Mais là, quand il fait noir, là, moi, je voulais pas venir en vélo, quoi. C'était trop. Après, ça mord un peu, tu vois. Ah oui, dès qu'il fait noir, c'est de la merde. Ça mord, ouais. Ça mord. Bah, le froid qui mord, tu vois. Ouais, je suis morsure. Ouais, tu sens que ça brûle. Ça brûle. Alors, c'est froid. Ouais. Et c'est sûr qu'à partir de 16h, il commence à faire nuit, là, c'est un peu déprimant. Du coup, d'avoir couru à midi, comme il fait jour tôt, et que quand on travaille. Là en ce moment je cours de nuit. Et ben ça fait plaisir. Bien. Bah voilà. Ça c'est un truc cool qui s'est passé dans ta journée. Et j'ai bu un café avec mon père. Et bam, allez, on avait dit un, on en a deux. Ouf. Et puis à un moment, je suis allé aux toilettes et c'était imperfect. Là. Super. Ouais. Non, mais je suis content, tu vois, tu t'es enjaillé, c'est super. Tu veux que je te raconte mon moment cool ? Non, on s'en fout. Ouais, on sait tout. Vas-y. Non, mais ça va être long moi. Et ben non, si. Parce qu'en fait, moi, il m'est arrivé un truc cool parce qu'il s'est passé un truc pas cool. Ah ouais. Tu vois, la réponse est pas cool. Genre, je me suis levé ce matin et mon chien, il marchait plus. Mais je te l'ai raconté vite fait. Oui, moi, je sais, ouais. Mais vas-y, raconte-le plus en détail. Que mon chien, il marche plus ? Il marche plus ? Non, il remarche. Ah, bah justement, le truc cool, c'est qu'à la fin de la journée, mon chien remarchait. Pas encore parfaitement. Pas encore parfaitement, mais du coup, j'étais content de voir mon chien qui remarche parce qu'on a eu peur, quoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais. En gros, le chien, je me suis levé ce matin et je me suis dit, c'est un chien qui est très nerveux et du coup, normalement, il te saute un peu dessus, quoi. Et là, il me regarde, je le regarde, pas de mouvement, pas de bonjour. Ah ouais, pas de queue qui frétille. Et là, je me suis dit, not good, bad, not good. Et du coup, urgence, patati patata. Et d'ailleurs, du coup, on a dû aller aux urgences dans un gros truc. Pour les animaux ? Pour les animaux. Ah ouais ? Véto. Et j'ai découvert ce que c'est un véto de... Parce que nous, on va chez un véto solidaire, tu vois, où c'est un peu tout petit, avec tout le monde ensemble, tu vois, c'est un peu cracra, enfin bref, c'est à l'arrache. On dirait que c'est un peu à l'arrache, mais ça fait maison du bonheur un peu, tu vois ce que je veux dire ? Un peu amateur. Ou non, ouais, un peu, je sais pas. Années 80. Tu vois, un peu les maisons des années 80. Bah, c'est véto des années 80. Okay. Un peu hippie, un peu... Ouais, ça va toi ? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, là, c'est un truc classe. Tout beau, tout machin, avec trois personnes à l'accueil. Il y a 40 vétos là-dedans. Et il y a des baies vitrées. À un moment, du coup, on est là. C'est où ? C'est où ? À la Madeleine. Ah ouais. Et du coup, à un moment, du coup, déjà, ta boisson chaude. Ah. T'arrives. Bon, déjà, ils vont t'annoncer des tarifs de bord. Oui, c'est ça. Prends un café tout de suite. Voilà, ouais, voilà. Tout ce qui est gratuit. Ouais, ouais, on prend. Il n'y a pas des Kit Kat, Katia, ça fait cher. Non, ouais. Donc, tac, café, on prend direct. Et du coup, à un moment, je regarde, je vois une baie vitrée, je me dis, tiens, comment ça se passe chez les riches, du coup. Et j'ai vu un truc de ouf, mec. Les chiens, ils sont en balnéo. C'est-à-dire qu'eux, c'est mieux que nous, en fait, tu vois. Ils ont des petites piscines pour soigner. Mieux que des piscines, mec. Ils ont... Toi, quand tu vas chez le kiné, que tu vas rééduquer, tu souffres. Ouais. Le chien, lui, il le met dans l'eau, à 20 degrés, je pense, à température. Ils ont différents bains pour différents... les petits chiens, les grands chiens. Et avec un tapis roulant, le chien court dans l'eau comme ça. Il est un peu laissé et tout, quoi. Il a une laisse, quoi. Il est tenu. Non. Même pas. Il court dans son eau. Ah ouais. Trop mignon. Trop. Et donc, j'étais un peu jaloux. Il y avait une piscine, genre, on aurait dit un spa. Mais après, voilà, il y a un gars, il est passé juste avant nous. Ils ont dit, ouais, voilà, il va falloir régler 700 euros. Hein ? Oh. Marine, elle était pas bien. Elle m'a dit, voilà, tu crois qu'on va demander les tarots quand même avant qu'il se passe un truc. Mais on n'a pas payé ça, nous. Je sais pas ce qu'ils ont fait à son chien, mais ouais. Je pense que tu peux sortir de là, de cette clinique-là, 3000, 4000, tranquille. Après, ça coûte cher, hein, les animaux. Hein. En deux ouais, secondes, mais bon, 300 là, balles, quoi. Ouais, mais là, ils abusent, tu vois, avec les balnéos et tout, quoi. Et c'est Aqualude, hein, mon pote, hein. C'est Aqualude, mais ouais, non, mais c'est ça. Ouais. C'est le paradis, quoi. Et est-ce que les chiens, ils avaient. Ça m'a fait rire, du coup. Ils avaient un bonnet de bain ou pas ? Non. T'as même pas besoin de bonnet de bain ? Mais non. Ah ouais. Mais nous, on n'a jamais eu ça, tu vois. Je sais pas, moi, je me suis fait ligament croisé et on m'a pas fait courir dans un bain. T'as ça chez les, ouais, les sportifs professionnels, quoi. Mais nous, non, ils vont pas faire ça, quoi. Ouais, dans Shaolin Soccer, tu vois ça. Tu vois le film Shaolin Soccer ? Ouais, ouais. Ils s'entraînent dans la piscine au fond, là. Est-ce que c'est la vraie vie, Shaolin Soccer ? J'espère. J'aimerais bien, moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très forts, l'équipe nationale de. Et t'en as eu, Chine. Sans dire le prix, t'en as eu pour cher ? Non, non. Ok. Tu peux dire le prix alors. 132,50. Ouais. On a eu peur. Hein. Quand on a entendu 700, on s'est dit on va se faire marre. Ouais. Ah ouais, ouais. On regardait un peu les tarifs, on dit ouais, c'est combien ? Tu vois, la meuf, elle dit ouais, vous voulez une analyse sanguine ? Je crois que c'est 145. Tu vois. Enfin, bref, une analyse sanguine ? Ouais. Ouais, c'est cher. Ça fait du bruit ? Ça fait du bruit. Et alors, c'est l'ASMR. ASMR, Martin. Ouais. Martin claquait sa clope électronique sur la table. Voilà. C'est du coup. Il est stressé, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est dingue, cette journée était palpitante en tout cas. J'ai eu un café et ça, si c'était un bon moment, voilà, gratuit. Et donc, oui, mais attends, elle qu'ils ont dit sur ton chien, c'était inquiétant encore. Ouais, que ça pouvait être neurologique, ouais. Ouais. Mais a priori, elle remarche, là, ça va aller. Elle remarche ? Elle boite encore, hein. Elle galère à monter. Mais je sais pas, elle a essayé de monter les marches et tout, donc. Je pense que c'est une vaillante, c'est une vaillante. Il y avait sa queue qui frétillait ou pas ? Au veto, ouais. Bizarrement, ouais. Non, mais là, maintenant, là, qu'elle en marche. Non, non. Elle est toujours genre. Ça va mieux, ma gastro ce matin, c'était horrible et cette nuit. Et après, là, j'avoue, j'ai pas fait attention. Mais si tu veux, on peut regarder la vidéo, je l'ai filmée quand elle marche. Pour l'envoyer à Marine. Tu veux là qu'on regarde ? Non, non, non. On peut, hein ? Bah, mais sauf que. On va analyser la démarche de mon chien. Donc, on n'est pas sur Internet. Ouais, on n'a pas triché. Oui, on vous rappelle le principe, hein. Pour garder toute la fiabilité et les bonnes sources de ce qu'on se dit, tout ce qu'on dit, eh ben on le. Eh ben si la queue est en l'air. Hein. Ah oui, c'est pas juste marche dans ton appart, c'est balade dans la rue là. Ah ouais, ouais, on a baladé 30 minutes. Ah oui, oui. Ouais, c'est pas un chien convalescent ça. C'est pas un chien en fauteuil roulant non plus, quoi. Ouais. Ah ouais. Ça m'aurait fait rire de voir un chien en chaise roulante. Il y en a parfois. Ouais. Tu sais, avec les deux pattes arrière genre pété, ils ont leur truc. C'est plutôt des chiens roulettes, ça fait plutôt. Ouais. Bah, voilà, c'est... elle va bien. Bah, elle a l'air, ouais. Docteur. C'est une vidéo hyper longue. Non, c'est en boucle. Ah ouais. C'est 19 secondes, c'est la même. Si je viens de voir deux fois la même chose en fait. Ah ouais, ok, moi j'étais attentif. Je me disais putain, elle sent tout en fait. Elle sent tout. Voilà. Chien vient bien pour tous ceux qui étaient inquiets. Si on a 10 followers de plus, une photo de mon chien. Sur Insta. Nous on n'est pas gourmands. 10. Ah ouais, j'ai pas suivi. Ouais. Quoi ? Il y a eu des commentaires ? Non. C'est vrai, j'ai pas. Quoi ? Je l'ai pas publié. L'émission précédente. Mais non. Si. Oh, alors que j'ai. T'as vu, j'ai mis un post genre. Ouais. L'ingé son, ça va être 19h. Ah, j'ai pas vu. Je t'ai laissé un peu de. Ah ouais. T'as pas vu les stories que j'ai fait quoi ? Non. Oh, il est pas là. Pierrot n'est pas là. Hein. Mais il y a eu Noël, hein, quand même. Ouais, mais quoi ? Quoi ? Bon, quand on s'engage en fait. Il y a des gens qui écoutent. Ouais, mais j'ai fait bah, peut-être il y a des gens qui vont mettre un commentaire. Tu vois, ils vont dire bah bof, bof. Merci. Ah, peut-être, ouais, la prochaine fois. Parce que du coup, ça a menti quoi. J'ai menti, mais je vais en faire deux d'un coup, tu vois. Là, deux d'un coup, ils vont sortir. Ouais, mais moi j'ai dit aux gens que ça. Oh, bah, Pierrot, il a menti. Bah, le Père Noël n'existe pas. En plus, je fais la story où je décale et je dis, ouais, il est pas prêt, il va pas vous le faire tout de suite. Ah, t'as fait une story ? J'en ai fait deux. Ah, j'ai pas vu. Bah oui, tu viens de le dire que t'avais pas vu. J'ai pas vu la story non plus, ouais. T'as rien vu ? Non. Mais il est pas là, c'est là où j'ai dit, il est pas là, Pierrot. Si, je suis là. Bah, bof. Non, mais j'ai plus Insta sur mon téléphone. D'accord. Du coup, je regarde vite fait sur le PC et après. Bah, tu veux que je publie sur l'équipe ? C'est vrai que je regarde l'équipe. Ouais. Tout en même temps. Far away, far away. Manana. C'est la chanson du gars champion de fléchettes. C'est David Guetta, ça ? Oui, je crois. Je crois que c'est David Guetta. Oui, bah, oui. C'est bizarre. Hein. C'est une meuf qui chante. C'est David Guetta, feat. Bah, David Guetta ne chante pas. Hein. Non, mais il est fit. Il est fité. Il fit avec c'est vrai qu'il est fité. Hein. Ah ouais. Il fait du sport, il va à la salle. Hein. Ah ouais. Oh là là, il est beau. Hein. C'est Antoine Decaune, hein. j'ai revu, même je sais que je l'ai déjà dit dans l'émission, 70 ans. Ou... Lui, il fait pas. Hein. Ouais, mais c'est un peu une tête à claque, lui, maintenant. Ah ouais, bon, allez, c'est bien. Vieux con. Alors. Quoi ? Toi. Faut un peu le dire. Rageux. On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. C'est une émission libre, en fait. Vous vous rappelez des radios libres à l'époque ? Ça n'existait plus. Il n'y a plus que Nova. Nova, c'est libre, tu crois ? Bon, en tout cas, c'est un millionnaire de gauche, quoi. Monsieur, ils font un peu ce qu'ils veulent, quand même, dans la dernière. Pigaz. Il y a aussi Hakim. Hakim. Je ne sais plus comment. Pas Jemili, mais un autre qui est chroniqueur. Mais c'est le Schlag. Non, ça, c'est Djamil. Ah. Il est sur la dernière aussi ? Non, il y a Mediapart. Mediapart. C'est à moi, là ? Non ? Ou bah, t'as... Oh, ouais, sinon, ah oui. On peut s'arrêter là, en fait. C'était ta rubrique du chien ? Bon, c'était ma rubrique de le truc cool dans ta... que... qui va revenir. C'est ma nouvelle rubrique. Genre, et qu'est-ce qui s'est passé de cool dans ta journée, Pierrot ? Mais je maintiens que c'est trop bizarre, quoi. Ce qu'elle a fait. Bah, c'est inquiétant, ouais. Bon, on verra. On va pas s'inquiéter. J'ai pas tendance à m'inquiéter, moi. Non, mais je m'inquiète pas. Mais je me dis, ça se trouve. Elle est peut-être un rhume. Mais ah ouais, ou elle a mangé un truc, j'en sais rien, tu vois. Mais après, c'est pas parce que t'as mangé un truc que t'as mal à la jambe, quoi. Je sais pas. C'est assez bizarre. Genre, toi, tu l'as sorti de ton panier, son panier, et t'as fait allez, debout. Et elle a fait plop. Non, elle était par terre. Elle était sur le tapis et elle n'est pas venue me voir. Et t'as pas essayé de la relever du... Bah, si, là, du coup, j'ai dit vas-y, viens. Et oui, je pense que. Et là, elle a fait quoi ? Ouais, ouais, son cul est tombé. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Là, ouais, j'aurais flippé à ta place, ouais. Bah, je comprends, du coup. Toi, quand t'as perdu ton chat, tu vois, c'était triste, tu vois. Ouais. Quand ton animal, il va pas bien, bah, tu. Mais je suis quand même un naturel optimiste, du coup, je me suis dit, ah, ça va. Ouais, surtout qu'elle est pas vieille, quoi. Bah ouais, mais bon. Ça ferait chier, quoi. Mais bon. Mais je pense que ça va, hein. Là, on l'emmène à la mer, hein, si vous voulez tout savoir. Faire une balnéo. Ça fait du bien. C'est hein. 3000 euros, je crois. On mettait les tubercules là-bas, à la mer. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ça lui fait du bien, ouais. Oh, la tuberculose, peut-être qu'elle a. Peut-être. Elle tousse. Après, les chiens, ils ont pas les mêmes maladies que les humains. Ah bon ? Ouais. C'est beau ce qu'on écoute. C'est beau, tu trouves ? Je sais pas si les gens les entendent, mais c'est. C'est Kate Bush ? C'est Loki Project. C'est islandais, ça. Norvégien. Enfin, Loki. Je sais pas. C'est la culture un peu viking. Le morceau, c'est Come to My Dream. In My Dream ? Ça y est, on fait les. Et ben voilà, c'était le morceau. Allez, c'est la fin. Ciao. Allez, un autre sujet que les fléchettes ? Ou c'est toi ? Non, vas-y, toi, ou tu veux garder cette rubrique ? Non, mais je peux enchaîner, parce qu'en plus, j'ai des clés de bouche. Et du coup, c'est la chronique conseil culturel. Je rigole, hein, j'arrête pas de faire des chroniques, mais pourquoi pas. On n'a qu'une vie, en fait. ouais, tu savais pas. C'est un pote qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Du coup, je me suis dit, ah bon. Il t'a dit ça? Ouais, non, mais je vais pas remettre tout le contexte. Ah, ok. Mais tu me le diras après. Non, mais en fait, on meurt qu'une fois. Donc on n'a qu'une vie. Voilà. Bah, quand en fait, il n'y a personne qui va mourir deux fois dans ta vie. À part si quelqu'un revient d'entre les morts et... Ouais, si c'est un putain de fait divers et tout, quoi. Ouais. Mon daron, il nous a raconté ça quand on était petit, par exemple. Que genre, c'est un chaman, parce qu'il est revenu de l'au-delà, il a vu le couloir blanc, patati patata. Ce fameux couloir. Ah ouais. Ouais. C'est un mytho un peu, non? C'est vrai. Je sais pas, on l'a jamais trop creusé, tu vois, parce que c'est un sujet touchy, tu vois. Tu dis, ouais, t'es mort, t'es pas mort, t'es... Okay. Mon oncle qui a été dans le coma, il m'a un peu parlé de la mort et de ce truc-là où okay. Il y avait un espèce de truc en disant « Ah, viens, t'es bien » ou je sais pas quoi. Ah bah t'as chaud. Ou je sais pas, il disait qu'il y avait ce truc et puis, je sais pas, un inconscient ou un peu dans son rêve. Il sait pas comment trop le décrire. Il a fait « Oh non, pas là. » Il croit qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé ? Non. Je sais pas, il y a eu une sensation, tu vois. Oui, il aurait pu se laisser aller vers du « Ah, voilà. C'est bien. » Laisser partir, ouais. Mais il n'y a pas une vision, un couloir Je ne vais pas demander, je t'avoue que je l'ai laissé parler. T'as vu, on n'ose pas trop creuser. Hein. Ouais. Donc c'est intéressant. Mais je sais que, j'ai lu il n'y a pas longtemps, que quand tu meurs, il y a une espèce d'onde qui passe en toi, qui dure à peu près 10 secondes, et qui est un peu... En fait, c'est la mort, quoi. Par exemple, tu tombes amoureux en 8 secondes. Waouh. Tu peux tomber amoureux, c'est le temps que ton cerveau, tac, tac, tac. C'est par exemple, si t'embrasses quelqu'un, ouais. Tu t'embrasses quelqu'un, tout de suite ton cerveau, avec l'échange de salive, tout ça, le truc génétique, il peut se dire, bah t'es amoureux en 8 secondes, tu vois. Ça, l'amour, c'est scientifique, quoi. Bah, c'est comment ton cerveau y réagit et les neurotransmetteurs, comment ils envoient tout ça dans tout le corps et ce qu'ils ont analysé. Je savais pas que tu vois, d'être amoureux, ça pouvait s'analyser, quoi. Bah si, en fait, ils regardent comment le cerveau réagit, ouais. Comment le corps, tout ça, et ils ont fait la même chose. Il y a des gens qui sont tombés amoureux, genre, dans une expérience scientifique. Je sais pas du tout comment, je sais pas du tout comment ils ont fait. Voilà, vous connaissez pas Michel, Claude, non, pas Michel et Claude. Mais dans leur étude, ils ont vu aussi que la mort, en 10 secondes, il y avait une dernière onde d'énergie, ou je sais pas comment dire, qui passe en toi. Et le gars le décrivait en disant, c'est une sorte un peu de gardien. C'est comme un gardien qui voit si tout, qui éteint toutes les lumières avant de partir, tu vois. Ok. Pop. C'est joli. Voilà. C'est là où tu perds tes 21 grammes ? Bah peut-être, ouais, je sais pas, ouais. Tu connais ce truc-là aussi. Qui pousse l'âme, allez, casse-toi. Ouais. C'est quel film qui a fait, quel réalisateur, 21 grammes ? Je sais pas. Quel autre ? Non, c'est un autre. Ok. Donc voilà. Ouais. Tu tombes amoureux en 8 secondes et tu meurs en 10 secondes. Tiens, c'est ouf comment on... Waouh, le fil rouge, quoi. Pah. Ouais, c'était pas du tout ça que je voulais dire. Pourquoi on a parlé de ça, on sait plus. C'est pas grave. Du coup, c'est parce que j'étais, on a qu'une vie. Putain, waouh, on s'est éloigné. Et du coup, nouvelle chronique, conseil culturel, qui est pas une nouvelle chronique vu que tu le fais à chaque fois. J'ai un chat dans la gorge, non ? Ma voix a changé. Tu peux tout sauter, si tu veux. Voilà, je reviens. Et du coup, c'est la même voix. Le reportage sur Kate Bush, sur Arte, il est vachement bien. Voilà, je voulais vous le dire. Parce que je trouve que c'était... J'ai même écrit artiste complet. C'est-à-dire qu'elle faisait... c'était des performances, ces spectacles. Elle a fait qu'une tournée, hein, je crois. Elle a fait qu'une tournée au début. Après, elle n'a jamais refait de tournée, sauf une dernière très tard. Avec de la danse, elle était à fond dans la danse. Les clips, ils sont magnifiques. Et du coup, je voulais en venir au fait... Ouais, vas-y, je sais plus où je vais aller. Ah ouais, mais je connais pas trop Kate Bush. C'est vrai. Je... Oui, tu connais parce que tu as regardé Stranger Things, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est elle qui joue dedans. Non, elle joue pas dedans, mais il y a sa chanson dedans. Ouais, sa chanson. C'est la chanson qui fait revenir les gens d'entre les morts, un truc comme ça. Ah bon ? En gros, il y a une meuf, elle écoute en boucle cette chanson-là que tout le monde écoute maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. C'est une histoire de... Ouais, bon, j'ai plus l'histoire. Mais en gros, et du coup, il y a deux mondes, il y a deux mondes parallèles, et genre, elle peut revenir du monde parallèle. Je spoil un peu pour ceux qui n'ont jamais vu. Mais, elle revient du monde parallèle grâce... Ils lui mettent les oreillettes, les, ah bon le casque, pardon, parce qu'à l'époque on avait des casques avec des petites mousses. Tu te rappelles de ces casques-là en métal avec des petites mousses. Ils lui remettent et du coup elle l'entend dans le monde parallèle, dans le monde normal. Ils lui mettent le casque et cette cassette, ce Walkman, un Walkman cassette. Tu vois ce que c'est, Walkman cassette? Ah oui. Je rigole, c'est les années 80. Et du coup elle, elle l'entend dans le monde parallèle et ça la fait revenir. Et tu vois, le méchant il veut la prendre ou la tuer ou je sais plus trop. Ah oui, c'est vrai qu'elle est bien cette musique. Et elle revient. Bah, elle est super cette chanson. Mais non, mais tout, regarde ce reportage, c'est magnifique ce qu'elle a fait, Kate Bush. Moi j'adore cet artiste. C'est un documentaire sur Arte. Ouais. C'est vrai qu'ils sont bons hein, pour les musiciens, parce qu'il s'est fait aussi pour le chanteur des Pogs, Johnny Cash. Puis plein d'autres, mais c'est vrai que je serais pas allé voir Kate Bush. Moi je m'en moque un peu. Et bah en fait, c'est super. Parce que c'est une artiste complète. Et pareil, c'est une meuf, elle s'est pas fait arnaquer par les majors. C'est-à-dire qu'elle a tout à acheter, elle a dit non, elle leur a dit, à un moment, ils lui ont dit, vas-y, tu dois... Le premier contrat qu'elle signe, elle se fait un peu avoir, il dit, tu es obligé de nous faire un deuxième album, elle n'est pas contente de l'album, parce que c'est vraiment une bosseuse, elle veut prendre le temps. Elle ça, veut... c'est dans les années 80 ouais. Et du coup, elle dit, elle reprend son contrat, elle rachète ses droits, elle, toute sa musique, elle est à elle, tout est à elle, en fait. Et elle se barre dans sa campagne en Angleterre, elle fait son studio, elle achète tout le meilleur matos, et elle fait son son de son côté, elle en met tout le monde. C'est... Elle est anglaise ? Ouais. Ok. Birmingham. Birmingham ? Non, j'en sais rien. Mais j'aime bien le mot Birmingham. Parce qu'il y a bière dedans. Il y a bière. Birmingham. Birmingham. Ouais. Mais du coup, moi, c'est des images que je connais depuis tout petit parce que je regardais beaucoup de clips. Et du coup, Kate Bush, moi, je l'avais déjà dans un autre clip où elle danse entre les arbres, là, en une robe rouge. Je me rappelle de ça et ça m'avait marqué, quoi. Mais je connais pratiquement tous les clips des années entre 80 et 2000. Tous les clips Ouais, maintenant quand j'entends des sons de entre 80 et 2000, potentiellement, j'ai une image en tête. J'ai plutôt une image, j'ai un côté visuel, quoi. Je vois chaque clip de ces années-là, parce que j'ai squatté MCM, tout à fond. Ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, je connais les chorés, je connais la tête des gens, je connais, je sais pas moi... Après, il y a des clips hyper connus comme, je sais pas moi, Daft Punk, tu vois, le truc. Avec la dent. Ouais, chaque morceau, chaque note de musique, c'est interprété par un comédien. Enfin, je sais pas moi. Tous les clips mythiques, je les connais. Mais tu vois, aujourd'hui, les clips, on les regarde plus trop, quoi. On s'en fout. Ouais, c'est clair. Je sais pas si. Il y en a encore plein de clips, mais c'est pas la même culture. On s'en fout de ouf. Ouais. Je crois même les gens qui ont YouTube, ils préfèrent écouter. Utiliser YouTube comme tu regardes plus des lives à la rigueur, tu vois. Ouais. Plus des lives comme Tiny Desk ou c'est vrai. Il y a plus ce délire là. Après, est-ce que oui, maintenant les gens ils regardent que sur les réseaux en fait, tu vois, des petits bouts de trucs, quoi. Mais un clip, est-ce que ça a du sens? Avant, c'était un peu ça te faisait ça te montrait l'univers et tout. Ouais, puis on écoutait beaucoup avec la télé. Moi, je sais pas, j'écoutais beaucoup MCM, c'était ouf, quoi. Ah ouais, c'est moi, vrai. Ça ouais. M'a fait ma culture musicale de fou. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup, tu regardais. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de Spotify ou des trucs comme ça, tu vois. Et le hip-hop, des fois c'était à 22h, j'allais squatter jusqu'à 22h, tu vois, pour avoir le hip-hop. Est-ce que t'aimes bien le hip-hop? Ouais, je suis très fan. Le hip-hop. Nan, j'adore ce son. Je le mets un tout petit peu plus haut. C'est quoi? Ah, on va pas faire tous les morceaux, hein, c'est pas une émission musicale. Hein. Il a un petit côté hip-hop. En plus, on n'entend pas bien, mais. Pam, pam, pam. C'est indien? C'est quoi? Indien. Je sais pas, non. Je sais pas, Martin. C'est pas de l'anglais. Je sais pas. Je sais pas, Martin. Faut que je fasse un conseil musical. Un conseil. Pourquoi il est quelle heure? Et quelle heure? C'est la fin de l'émission. C'est bientôt la fin. Faudrait que je fasse un conseil culturel, quoi. Ah bah tu peux, j'en ai fait un. C'est la rubrique. Conseil culturel. Ah mais moi, tu m'as pas fait le jingle. Ah ouais. Tu veux que je te refasse un et puis tu refais un conseil? Non, j'ai plus de conseils. Moi, j'ai un conseil par jour, en fait. Quatre bouches. Kate Bush. En plus, Stranger Things, la nouvelle saison, elle arrive. Où elle est arrivée, je sais pas quoi. Je crois que j'ai lâché à la saison 1 ou 2. C'est vrai. Putain, ouais. Je trouvais ça trop cool. Et toi, t'aimes bien l'ambiance aussi. Moi, je suis très film fantastique. Je suis très héroïque fantasy. Moi, j'adore les années 80 parce que ça me rappelle mon enfance. Je regardais les clips MCM. Moi, j'ai fait une grosse culture musique comme ça, MCM. Puis j'ai une petite soie qui est sur moi. Ton maillot. Voilà, c'est tout. Je vous ai dit que mon chouchou, il savait marcher. Martin m'a dit 3 fois. Je t'ai dit que mon chien, il marche. Alors, je pense que c'était pour la blague. Hein. Mais je pense que la deuxième fois, c'était pas pour la blague. Bah si, justement, c'est allez, c'est bon, comique de répétition. Ah ouais, ouais. C'est pas toi. Toi, t'es pas trop comique de répétition. Ouais, ouais, non, c'est lourd, hein, comique de répétition. Ouais, ouais, tu l'es pas trop. Mais tu m'as fait beaucoup rire, tu m'imites vachement bien, c'est vrai, c'est fou ça. Ouais, vraiment, avec un chlac, chlac. Ouais, ouais, c'est tout, moi. Mais en plus, il y a un des personnages de Stranger Things qui parle comme ça. Ah ouais, celui qui dit qu'elle est jolie connote. Quand il monte ses dents, il fait. Mais ouais, il a une maladie a priori. Bon, moi. Bah, oh. Ah. Bon. Oh. Comme ton chien. Comme moi, non, il est pas malade encore. C'est pas diagnostiqué. Je pense qu'elle voulait pas aller à la piscine et elle a dit je suis malade. Voilà. Comme à la piscine. Comme un enfant. Alors qu'à la piscine, en sortant, on fera un paquet de chips au distributeur parce qu'on a faim. Mec, tu sais que je me rappelle de ce moment-là que tu me parles. C'est après la piscine, manger, c'est un bonheur de ouf. On a déjà parlé la semaine dernière, non? Non, jamais on a parlé de ça. Parce que moi, ça me parle de ouf ce que tu dis là, tu vois. Je me rappelle de. T'as les cheveux mouillés, c'est l'hiver et tout. Et je mange des fraises ou des chips. Mais en tout cas, la machine, en sortant de la piscine, qui donne des conneries, elle est là. On l'adore. T'as faim. Ah ouais. Après, il y avait Hervé, il avait des BN. Ça, on lui piquait. Saloperie, Hervé. Non. À lui. Aïe. Ouais, Hervé, c'était une saloperie, pas moi. Pourquoi vous lui voiliez? Non, j'ai pas vraiment dit ça. Je l'ai dit. Ouais, c'est enregistré en plus. On peut couper au montage? Oui, on va couper, Martin. Non, mais c'est qu'il avait toujours des BN, c'est tout. Mais on lui volait pas, on lui demandait. Excuse-moi, Hervé, tu peux me donner un BN, s'il vous plaît? Oh, Martin, encore. Il y avait, tu sais, la boîte en plastique pile en forme de BN. Ah oui. Il avait ça, Hervé. Moi, j'ai jamais eu ça. Bah, moi non plus. Il y en avait plein qui avaient ça. Hein. Ouais, bah, Hervé. Il s'appelait Hervé. Et Thibaut, il avait la même version, mais genre, lui, il avait un sac en tissu. Le gars, il était bobo moderne. Tu vois, il était déjà. Ah ouais. Tu vois, il était déjà dans les années 2020, lui. Et BN, quel goût t'aimais bien? Bah les BN d'Hervé. Non. Goût Hervé. Moi j'aimais bien quand j'étais petit vanille, mais j'ai l'impression que j'étais tout seul dans mon monde, alors je suis passé chocolat, tu vois, pour m'intégrer. Chocolat, moi j'aime bien tremper dans l'eau, c'est qu'il soit limite à se désagréger. Ouais. Tu les mets dans ta bouche, ils sont mous, quoi. Mais je suis plus Petit Prince, tu vois, moi. Ah ouais. Et limite, tu vois, à un moment, ils ont fait le Petit Prince vanille choco. Vanille choco. Moitié vanille, moitié choco, tu vois quoi. Et je me suis un peu intégré, tu vois. Moi, BN fraise, j'aimais bien. Ah, oh, c'est immonde. Ah ouais, oh, immonde. Et toi, vanille. Vanille, ouais. Ça fait la merde. Arrête. Ah, mais la fraise. Oh là là. C'est ouf. Hey, les yeux rouges, quoi. Les yeux rouges de défoncé. J'ai rien... T'aimais bien le BN foncé, quoi. Ah ouais, je suis défoncé. Les yeux moi, rouges. J'ai rien dit sur vanille, quoi là. T'es BN de Whitehouse. Hein. Et là, le gars, il arrive. Ah, c'est, le... C'est ouf, t'es un connard. Pardon. C'est hey, ouf. Prends des bonnes résolutions. Hein. Ouais. Résolution. Ouais, bah voilà, c'est la fin de l'émission, je pense. Ouais, tu passes pas les 40 minutes, toi. Si, c'est la fin des 40 minutes. Allez, on met un petit son pour se terminer. Mais t'as fait un conseil culturel? Non, c'est bon. Le gars, il fait la gueule avec les BN. Ouais, c'est peut-être bon, les BN fraises. Bon, conseil culturel, ça sera le son que je passe. Mais en fait, j'aimais pas, moi, les. Non, vas-y, c'est bon. Non, mais tu vois, il y a des trucs rouges, ouais. Gélatineux et fraises roses. Tu vois quoi? Bah, moi, c'était genre. Le rouge gélatineux, ouais, voilà. Rouge, ouais. Un peu, ça faisait un peu comme la confiture. Ah, super. Allez, c'est bien. Ouais, je mens. T'as cueilli quoi? Je mentais. Non, j'ai dit je mens. Ah. Je voulais me rabibocher avec toi, tu vois, mais je suis un mytho. Ouais, c'est ça. C'était pas bon. Tu peux juste partir de chez moi après. Tu remettras tes chaussures. Bah ouais, je peux pas partir à pied nu. Donc voilà, c'était un bon... De bonne ambiance. Bon et troqué chez vous, qui était chez moi. On peut aller chez vous la prochaine fois. N'hésitez pas à postuler. Il suffit d'écrire en fait en DM... sur Banc et Troquet, c'est sur Instagram. Voilà, vous mettez votre adresse, on arrive. Et là, on se quitte avec un morceau un peu techno. C'est Autotune, c'est le nom du groupe. Et le morceau, c'est Blade Runner. Un bon film des années 80 en plus. Très, très bon film. Allez, ciao. Merci beaucoup et bonne année à tous. Oh, ça porte malheur, Martin. Mais non, on dit bon. Voilà.